بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 98 98 حديث توجدون باب صفات الصلاة الديسكريبتيف دو لا صلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحب. Selon Aïcha رضي الله عنها, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait dépêché un homme à la tête d'une troupe. À la base, Sariya, c'est une partie d'une troupe. Tu as une armée, tu envoies une partie d'entre elles, comme un commando, par exemple. Et lui, justement, il disait pour ses soldats, c'est-à-dire cet homme qui était dépêché par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était dégué par lui, dans la salat qu'il faisait, il finissait chaque rakat par « Qul huwallahu ahad » dit « Il est Allah unique » dans le sens. Donc lorsqu'ils sont revenus auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont cité cela. Donc il a dit « Demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait cela ?» Il a interrogé et il a répondu cet homme qu'elle est un attribut de Rahman Azzawajal. Et j'aime la réciter. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dites-lui, informez-le que Allah l'aime. C'est-à-dire cet homme-là. Naam. Fayaqul fadilat al-shir ibn al-Faymin, rahmallahu ta'ala. Arawi umm al-mu'minin Aisha. Le rapporteur, c'est la mère des croyants Aisha, dont la tarjama a été citée auparavant. يقول موضوع الحديث بيان حكم الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة qui est maintenant l'éclaircissement sur le jugement de perdurer sur la récitation du même sourate en particulier dans la salat. Tu répètes tout le temps la même sourate. يقول في الشرح الإجمالي explication globale du hadith. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث البعوث لقتال الكفار حسب ما تطلبه الحاجة إما جيوشا أو سرايا ويؤمر عليهم الأمر لتدبيرهم والحكم بينهم حتى لا يكون أمرهم فوضى ويختار الإمارة قومهم بهم أو أقوامهم بها علما ودين ودنيا أو دينا بل عفوا ودينا وتدبيرا ولذا يكون الامير هو الامام في الصلاه. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude d'envoyer des armées pour combattre les kuffar en fonction du besoin. Soit des armées entières ou soit justement des petits groupes comme des commandos. Et il mettait à leur tête des chefs de troupes à qui il donnait autorité sur eux. D'accord ? Afin que les gens justement puissent gérer le groupe et que leur affaire soit bien gérée, organisée, que ce ne soit pas, comme on dirait, ne soit pas le bazar. Car si chacun, quand il n'y a pas une personne qui est autorité, les gens font ce qu'ils veulent et ils tombent dans la divergence, les accords, et ça amène à l'échec. Donc ils choisissaient pour avoir autorité sur eux celui qui avait le plus de science, qui avait le plus de taqwa, et qui avait le plus justement de sens de la responsabilité. Afin qu'il soit justement leur chef, le commandeur. Et c'est lui également qui faisait l'imam dans la salat, ce même chef. Au fil des hadith, تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية بعثها. Donc là, dans ce hadith, Aïcha informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم a désigné un homme à la tête justement d'une troupe qu'il a envoyé. فكان يصلي بهم فيختم قراءة صلاته بقراءة سورة قل هو الله أحد. Donc cet homme est présidé la salat en groupe pour sa troupe et que dans chaque surat il récitait قل هو الله أحد. Il finissait chaque rakat par cette surat. لما في قلبه من محبة الله تعالى واسمائه وصفاته parce qu'il avait dans son cœur comme amour pour Allah pour ses noms et attributs. ولما كان هذا غير معهود أخبر أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يصنع. Et comme cela était une chose qui était inhabituelle pour les gens, pour les compagnons du Nabi صلى الله عليه وسلم, enfin ils l'ont informé de ce que cet homme faisait. Il leur a dit فسألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فأخبرهم بأنه يحب قراءتها لما تتضمته من صفات الله العظيمة التي دلت عليه أسماؤه المذكورة فيها فأخبروه أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما قال فقال أخبروه بأن الله يحبه. Donc une fois qu'ils l'ont interrogé, cet homme, pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte, il a dit parce qu'il aimait réciter cette sourate pour ce qu'il comprenait comme rappelle justement des sifat, des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ces mêmes sifat qui sont confirmés par ces noms cités dans cette sourate. Donc ils ont informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de son motif, et de là il a dit informez-le que Allah l'aime également. Naam. فيقول في فوائد الحديث enseignement du hadith مشروعات بعث السرايا لقتل الكفار وتأميرهم تأمير أحدهم عليها. Qu'il est légiféré justement d'envoyer des troupes pour combattre les mécréants et d'y mettre à la tête d'entre elles un chef. ثانياً أن أميرهم أحق بالإمامة فيهم لكونه صاحب السلطان عليهم. Et que justement leur chef, c'est lui qui est le plus en droit d'être imam du fait que c'est lui qui a l'autorité sur les troupes. ثالثاً جواز استمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة. Qu'il est permis justement de lire continuellement la même sourate. Une surat désignée en particulier dans la salat. Ce hadith le prouve. Rabi'an fadilat surat Qul huwallahu ahad. Le mérite de cette surat qui est de Qul huwallahu ahad, qui représente le tiers du Coran. Dans quel sens? C'est que le Coran, comme l'expert avant l'expliquer, est divisé en trois. D'accord? Il est divisé en trois. Première partie, c'est tout ce qui concerne les règles. Ordre, interdit, d'accord? Et les règles, les ahkam. Deuxième partie, c'est les histoires des prophètes avec leur peuple. Est-ce qu'il leur est arrivé? Et toutes les leçons à en tirer. D'accord, les leçons à en tirer. Et troisième partie du Coran, c'est tout ce qui touche au tawhid. Au nom d'Allah Azza wa Jal, à ses attributs, à ses actes, wa akadha. Et cette sourate-là, qu'on loue Allah Ahad, ne parle que le tawhid, du début à sa fin. Aussi courte soit-elle, elle renferme le tiers du Coran, elle est toute seule du fait qu'elle ne parle que de cela. Elle ne parle que de cela. Naam. ثم قال في الخامس مشروعية التثبت في الأوامر قبل الحكم عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك. Qu'il est justement légitime de vérifier les choses, de s'assurer de la vérité des choses, pour les comprendre, avant de mettre un jugement, car le Nabi صلى الله عليه وسلم leur a dit demandez-lui pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte, avant qu'il ne puisse émettre un jugement quelconque, de se renseigner auprès de lui. Salisan ithbat al-mahabba min Allah azza wa jal. Et que ce hadith montre également parmi les attributs d'Allah l'amour, que Allah il aime. Et ça, les preuves sont bien nombreuses dans le Coran, dans la Sunna, que Allah azza wa jal aime. D'accord? Et son amour n'est pas comme l'amour de la créature, bien évidemment. Laysa kamli shay. Il n'y a rien qui est comme lui. Hadha alladhi akhadhna al-yawm min hadha al-hadith. Nuktafi bi hadha wa alhamdulillahi rabbil alamin.